Examen 1. Partie 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Première partie de l'enregistrement. Vous êtes bien sur le serveur vocal du cinéma Eldorado, le cinéma d'art et d'essai de votre ville. Pour savoir quels films nous projetons et leurs horaires, tapez 1. Pour connaître la programmation de nos cycles et conférences, tapez 2. Si vous voulez acheter des places pour des films ou des conférences, tapez 3. Pour tout autre renseignement, tapez 4. Pour réécouter ce message, tapez 5.